Qui réside tout désir, toutes tes décisions et toute ton affection. C'est Jésus ta volonté, merci. Tu as fait de lui un corps et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande de son corps qu'il a offert une seule fois et s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. S'il faut chanter quelqu'un, je chanterai Jésus. S'il faut danser pour quelqu'un, je danserai pour lui. Et s'il faut vivre pour quelqu'un, je vivrai pour toi, mon Seigneur, mon Sauveur. Yaya nangai eliki ya motema. Bozalino ya nzambe na vina nga ezobimisa nzembo yo shiloe. Yono pakolanga mafuta molimo epeto la bilamba na ngabo moto Yesu nyonso ekoma ozana lamo asosie nanga na yebisa makambo motema na ngai ishilo na ngai papa na bomo nani ondima nzembo ya bomo lelo Mananga nzambe na bomo na pusa nyawa na pusa nyawa na malasi na ngai lokola mwasi ya ndumba sala nga bolamu ebele sala lisusu nzambe na bomo na kopo na ngai nzambe na bomo nzambe na bomo Papa Nangai.